Breton, old French song. Margot au bataillon avec son gréchon. Margot au bataillon avec son gréchon. La fontaine était creuse, elle est tombée au fond. Aïe, aïe, aïe, aïe, ceci Margot. La fontaine était creuse, elle est tombée au fond. La fontaine était creuse, elle est tombée au fond. Par la passée, trois de ces beaux garçons. Aïe, aïe, aïe, aïe, cria Margot. Par la bâtire droite de ces beaux garçons, par la bâtire droite de ces beaux garçons, que donnerez-vous la veste, nous vous retirerons. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Que donnerez-vous la veste, nous vous retirerons. Bye.